Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'Ordre des Templiers. L'Ordre des Templiers, les Chevaliers du Temple, ont été organisés pour protéger les pèlerins qui s'en allaient à Jérusalem, mais de protecteurs, ils sont devenus des soldats actifs et ils ont vraiment été tout à fait au front des croisades. Ils avaient comme motto, si vous voulez, de se battre jusqu'à la mort. Un chevalier templier savait qu'il était pour mourir, un peu comme un kamikaze. Il prêtait de l'argent au roi de France, il prêtait de l'argent au pape, il prêtait de l'argent aux princes environnants de la vieille Europe. Il payait les croisades, ils ont construit 200 cathédrales. La journaliste Marie Lecomte à l'émission Religions et sociétés en 1996 et juste après, l'historien François Montiel à l'émission La vie quotidienne en 1980. Avec ces deux extraits, vous comprenez bien toute la puissance financière et militaire qu'auront entre les mains les Templiers. Cette puissance est si grande qu'elle va finir par faire trembler les têtes couronnées d'Europe, en plus d'attiser leur jalousie. En fait, à terme, c'est cette omnipuissance des Templiers qui va les conduire à leur perte. Notre combat va au-delà de ces murs. En position ! Au-delà des hommes et des femmes qui mourront si la ville tombe. Aujourd'hui, nous défendons le Graal. Formation pour le Graal ! À l'attaque ! Et n'oubliez pas que nous répondons de Dieu. Nous sommes les soldats de Dieu et nous vaincrons par la grâce de Dieu. Car dès la fin du XIIIe siècle, l'histoire de l'Ordre du Temple touche à sa fin. Les Templiers ont perdu Jérusalem, mais aussi Saint-Jean d'Acre, deux sites qui contribuaient jusque-là en grande partie à maintenir leur prestige. En France, beaucoup n'attendaient que ce faux pas pour les faire tomber de leur piédestal. Car leur réussite insolente attise depuis bien longtemps les jalousies. Les Templiers vont désormais devoir se protéger des seigneurs qui entourent leur territoire. En écoutant ces deux extraits, un extrait de la bande-annonce de la série Nightfall de la chaîne History, suivi d'un extrait du documentaire La France des mystères, les secrets des Templiers, diffusé à la chaîne française RMC Découverte, on comprend bien toute l'importance qu'auront les Templiers à leur apogée, toute la jalousie également que va susciter leur puissance en Europe. Pour nous raconter l'histoire des Templiers, cet ordre si étroitement associé à l'histoire du Moyen-Âge et à celle des croisades, je reçois Raphaël Welland, qui est doctorant en histoire à l'Université de Montréal et à l'Université de Kiel en Allemagne. Raphaël Welland, bonjour. Bonjour, Jacques. Parlons d'abord un petit peu du contexte qui va voir naître ce fameux ordre du Temple, Raphaël Welland. Quand et pourquoi est créé l'ordre? Les Templiers sont liés très étroitement au contexte des croisades. Les croisades, c'est une série d'expéditions, de pèlerinages armés qui sont organisés sous la tutelle assez lointaine de la papauté, avec comme objectif fondamental de récupérer la ville de Jérusalem, de récupérer la Terre Sainte sur les musulmans. Ouais. Donc ça, c'est un premier objectif, récupérer cette ville. Mais l'autre objectif sous-jacent... Qui dépasse les Templiers, parce que les Templiers vont naître dans cette mouvance, mais cette prise de Jérusalem par la chrétienté, elle arrive juste avant que ne soit créé l'ordre des Templiers. Absolument. Parce que si cette première croisade est victorieuse, et si on s'empare de la ville de Jérusalem, l'objectif sous-jacent, lui, n'est pas rempli. La papauté, et en général l'Église de cette fin du XIe siècle, espérait, avec ce mouvement de la croisade, libérer l'Europe d'une certaine mauvaise violence, la canaliser, cette violence, vers l'extérieur, et transformer les chrétiens, et en particulier les seigneurs et les combattants chrétiens, de ce qu'on appelait à l'époque des seigneurs brigands, s'attaquant à la veuve, à l'orphelin, mais aussi au bien de l'Église, les transformer en milites Christi, soldats du Christ. Ouais. Or, les premiers croisés sont certes victorieux des musulmans, mais ils ont tendance à faire main basse sur les richesses, ouais, à ne pas trop écouter l'Église, à se créer leur propre royaume, et donc à ne pas devenir les soldats du Christ qu'espère l'Église. Il faut donc des gens qui vont pouvoir maintenir la conquête de Jérusalem, et des gens qui vont cette fois-ci obéir à l'Église et servir d'une certaine manière de torche, de flambeau, montrant le chemin du bon chrétien aux autres soldats chrétiens, ouais, et ces bons soldats obéissants, ce seront les Templiers. D'accord. Et donc, ils naissent quand dans l'histoire, ces Templiers? Cet ordre-là, il est créé quand? En fait, il est difficile de déterminer une date exacte de naissance. Les premières personnes qui vont devenir les premiers Templiers arrivent en Terre Sainte entre 1105 et 1107. Ce sont des chevaliers champenois de l'est de la France, menés par un certain Hugues de Pin, qui va décider de protéger des pèlerins. Ils sont quelques-uns en 1107. En 1114, ils deviennent un peu plus nombreux, un peu mieux organisés, notamment parce qu'ils vont recevoir des terres et quelques petits morceaux de château par le roi de Jérusalem. Et à partir de 1120, ils vont recevoir un objet qui va devenir, un lieu qui va devenir, qui va leur donner leur nom. Ils vont obtenir une portion du château du roi de Jérusalem, dont on raconte que c'est là qu'on avait construit le temple de Salomon dans l'Antiquité. Et donc, ces gens qui se faisaient jusque-là appeler les pauvres chevaliers du Christ vont devenir les Templiers, puisqu'ils vivent dans le temple de Salomon. On est là en 1120. Ouais. Et puis, il y aura la reconnaissance, papale, pontificale, qui viendra un peu plus tard. Absolument, en deux étapes. Une première fois en 1129, une reconnaissance plutôt du clergé français. Et en 1139, là, le pape lui-même va produire une proclamation pontificale qui va faire des Templiers un véritable ordre de moines, avec un objectif qui est militaire, ce qui n'est pas tout à fait accepté à l'époque. Donc ce sont à la fois des moines et des soldats. Et par cette proclamation, le pape va d'autre part les prendre sous son aile, leur accorder toute une série de privilèges symboliques, économiques, qui vont faire de ces Templiers l'une des principales fortunes foncières d'Europe et l'ordre le plus célèbre de l'histoire des croisades. Et vous le disiez, l'histoire de cet ordre-là, il est intimement associé, bien sûr, à l'histoire des croisades. De quelle manière les Templiers seront importants dans cette histoire des croisades et quel rôle, concrètement, ils vont jouer dans cette histoire-là? Le grand problème du royaume de Jérusalem, c'est que une fois qu'on l'a conquis, eh bien, on a de la difficulté à le défendre. En effet, peu de ces croisés qui étaient venus dans la première ou dans d'autres des croisades vont rester sur place. Une fois l'objectif atteint, ils se retirent. Or, il reste encore de nombreux royaumes musulmans dans les environs qui sont, ce début de XIIe siècle, certes divisés, mais qui seront moins dans les décennies suivantes et qui, petit à petit, vont exercer une pression extrême sur le royaume de Jérusalem, vont venir régulièrement à deux doigts de s'emparer de la ville. Il faut donc des gens, une sorte de garde, pas forcément nombreuse, mais d'élite, pour protéger le royaume et pour protéger la ville. Ces gens, ce seront donc les Templiers et d'autres ordres avec eux, des gens donc qui vont compenser un petit nombre de croisés par une habileté guerrière et surtout un équipement et un entraînement supérieur. Ouais. Parlons du fonctionnement de l'ordre des Templiers. Il faut bien voir, Raphaël Bonan, que tout le monde n'est pas un moine-soldat dans l'ordre des Templiers. En fait, d'aucune manière. La manière dont fonctionne l'ordre, c'est justement de réussir en fait à drainer les ressources de l'Europe de la manière la plus efficace pour créer une sorte d'armée professionnelle disponibles en tout temps dans les lieux de combat, qui seront essentiellement la Terre Sainte, mais aussi de manière secondaire, l'Espagne, le Portugal, quelques lieux de passage où les pèlerins sont obligés de passer dans certains territoires. Pour pouvoir financer ces soldats, donc, il faut plusieurs chevaux pour les chevaliers, il faut des armes, il faut des armures, ces gens-là doivent s'entraîner, donc ils ne peuvent pas travailler, donc il faut les nourrir. Pour tout ça, il faut des ressources, et c'est le reste de l'ordre qui va les fournir. Et en fait, et ça va un petit peu contre la légende, donc on a l'habitude de voir les Templiers comme étant des surhommes, guerriers, etc. Mais la vérité, c'est que probablement 9 Templiers sur 10 ne verront jamais le champ de bataille. Ouais. Ce sont, pour l'essentiel, des moines, comme il y en a beaucoup d'autres, des bénédictins, par exemple, qui administrent, on appelle cela des commanderies pour les Templiers, mais ce sont en fait des abbayes, comme il y en a beaucoup d'autres en Europe. Il y en a des centaines à travers l'Europe, notamment en France et en Angleterre. Et ces commanderies sont des points à partir desquels on tire les ressources agricoles, financières de différentes régions de l'Europe et ensuite on va les transporter vers les zones de combat, donc drainer les ressources des 9 dixièmes plutôt agricoles, plutôt producteurs, plutôt financiers, vers le dixième militaire qui sera très efficace et laissera le plus de traces dans l'histoire. C'est celui-là qui est le plus célèbre aujourd'hui, mais en fait, c'est la pointe de l'iceberg, ces Templiers guerriers. Et ces Templiers guerriers, donc, reposent sur ce pouvoir énorme, cette structure économique. Ils sont, il faut bien le comprendre, les Templiers, les banquiers de l'Europe, un peu, hein, on peut dire ça. L'agriculture, les 1200 abbayes en Europe, au milieu du 13e siècle, c'est vraiment gigantesque. Oui, absolument. Il faut faire attention cependant, on parle des Templiers comme étant des banquiers et ils auront des activités financières, mais au Moyen-Âge, c'est le cas pour les Templiers comme c'est le cas pour tous les autres, l'essentiel de la richesse provient néanmoins de l'exploitation agricole. Ouais. Les Templiers sont des gens qui possèdent énormément de terres, des terres qui leur ont été octroyées par des dons qu'ils ont su acquérir par des héritages, par des achats, par une saine gestion. Tout cela leur est entre autres fourni par la protection pontificale. On obtient des recommandations auprès de Dieu si on offre des dons aux Templiers, et donc les Templiers ont tendance à recevoir plus de dons que d'autres ordres. Les Templiers, donc, reçoivent toutes sortes de terres, toutes sortes de matériel agricole. On a des gens qui vont offrir une charrue, des gens qui vont offrir une forêt entière. Donc, les Templiers ont cet empire agricole et foncier. À partir de là, ils vont aussi avoir une activité financière, commerciale. Ils ont des navires avec lesquels ils vont transporter des marchandises à travers l'Europe. Ils ont surtout, donc, de par leur énorme réseau de petites auberges, de commanderies, d'abbayes à travers l'Europe, ils ont la possibilité de transporter des fonds de lieu en lieu, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais. De telle manière que les Templiers vont devenir des banquiers, des gens qui vont prêter, certes, mais il semble que ce soit une petite portion donc, de leurs activités, même de leurs activités financières, qui sont elles-mêmes une petite portion de leurs activités économiques en général. Mais le gros de leurs activités financières, en fait, c'est le déplacement de fonds. Ouais. Donc, ils vont inventer, enfin, plus ou moins inventer, la lettre de change, par exemple. Vous voulez transporter de l'argent de Londres à Paris, c'est dangereux pour vous. Vous déposez vos fonds dans la commanderie de Londres, on vous signe un reçu, et vous vous déplacez jusqu'à Paris, et là, vous pourrez retirer les fonds que les Templiers se seront chargés de transporter eux-mêmes, évidemment en prélevant une commission. Ouais. L'histoire des Templiers, c'est à peu près quoi, 2 siècles d'existence. Et déjà en 1291, malgré toute cette puissance, tout ce pouvoir que vous avez décrit, il y a une première fissure qui apparaît dans l'armure des Templiers en 1291. Les musulmans les chassent de Saint-Jean d'Acre en Terre Sainte. Quelle importance a cet événement-là, Raphaël Wallan, dans la chute des Templiers? En fait, les Templiers, donc on l'a dit, sont les enfants d'un contexte, le contexte de la croisade, l'idée qu'on pouvait donc changer le monde en se lançant dans les bras de l'Église. Il y a dans la croisade un côté de réingénierie sociale, pour prendre un terme très 20e et 21e siècle. Mais 2 siècles plus tard, on commence à se rendre compte que cet idéal est corrompu. Il y a eu un certain nombre de défaites, il y a eu un dévoiement de l'idéal de la croisade qu'on a utilisé à droite et à gauche contre tous les ennemis de l'Église. Et cette chute de Saint-Jean d'Acre, l'un des derniers points détenus par les croisés en Terre Sainte, donc en 1291. Cette chute de Saint-Jean d'Acre est une sorte de dernier coup, de dernière goutte qui va faire déborder le vase. Les Templiers n'ont plus de raison d'être. Ouais. Une fois qu'ils ont été vaincus, chassés de Terre Sainte, on commence à se demander, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tous ces dons? Pourquoi est-ce qu'ils ont tout cet argent? Pourquoi sont-ils si puissants en Europe même s'ils sont vaincus? Ils vont être des boucs émissaires aussi. La population en général semble considérer que cette défaite dans les croisades est incompréhensible. Il faut donc trouver une raison pour laquelle Dieu aurait abandonné les chrétiens. Et en fait, on va déterminer que Dieu n'a pas abandonné les chrétiens. Ce sont les Templiers qui ont trahi. Ouais. En fait, ils dérangent beaucoup les Templiers, les têtes couronnées d'Europe. Ils dérangent la papauté aussi. Leur pouvoir est si grand qu'ils dérangent. C'est ça, au fond, qui va conduire à leur perte. Oui. On reviendra sur les légendes, mais en fait, tout simplement, les Templiers sont victimes du temps qui passe. Ils sont nés à un moment où l'Église était très puissante, où les rois étaient assez faibles. Ils vont mourir à un moment où, au contraire, les rois, et en particulier les rois de France, commencent à créer une administration, commencent à avoir des royaumes un peu plus centralisés. Et un roi en particulier, qui s'appelle Philippe le Bel, Philippe IV le Bel, on est aux toutes fins du XIIIe, début du XIVe siècle, ce roi veut créer une véritable administration en France. Or, il se rend compte à travers différents épisodes que lorsqu'il veut faire quelque chose en France, il est obligé de demander l'avis de toutes sortes de personnes. Et notamment, il se rend compte que les Templiers sont assez puissants dans le royaume même pour lui mettre des bâtons dans les roues, ouais. pour l'empêcher de faire la guerre aux voisins qu'il souhaiterait, pour l'empêcher de transporter de l'argent ou de la nourriture aux endroits qu'ils le veulent. Ils sont un contre-pouvoir et cela est absolument insupportable pour notre Philippe le Bel. Il va frapper les Templiers comme contre-pouvoir, il va aussi frapper les Templiers comme représentant de l'Église, qui est un autre contre-pouvoir au pouvoir royal, donc veut établir ce Philippe IV le Bel. Et ça va se solder avec un coup d'éclat qui nous amène à cette date fatidique du 13 octobre 1307. La terrible machination est en route. Les ordres de mission historique, capturer les chevaliers de l'ordre du Temple dans tout le royaume, ont été rédigés ici à Maubuisson. Les messagers partent de cette abbaye où vient de se jouer l'avenir des Templiers et galopent aux quatre coins de France pour délivrer ces lettres cachetées dans le plus grand secret. C'est la première grande rafle de l'histoire. On n'a jamais vu une opération policière à cette envergure depuis tous les temps, je dirais. Je crois qu'on ne reverra pas de si tôt. Et la date était fixée, bien évidemment, pour tout le monde, le même jour, à la même heure, c'est-à-dire à partir du chant du coq jusqu'au plus tard dans la fin de la matinée. Cette date, c'est le vendredi 13 octobre 1307. Une date qui va être à l'origine d'une superstition si forte qu'elle va traverser les siècles, jusqu'à en faire frissonner certains encore aujourd'hui. C'est à l'origine de cette date que devient maudit, en quelque sorte, le fameux vendredi 13, quel qu'il soit. Et donc c'est une autre légende à laquelle les Templiers ont pu concourir, c'est la date fatidique du fameux vendredi 13, qui est rattachée à l'arrestation des Templiers. À nouveau, un extrait du documentaire « La France des mystères, les secrets des Templiers » diffusé à la chaîne RMC Découverte en 2017. Alors, on en entend déjà un petit bout dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Raphaël Wallan, mais que se passe-t-il donc, ce fameux 13 octobre 1307? Le roi Philippe le Bel va se servir de rumeurs qui courent en vérité depuis longtemps sur une mauvaise gestion, mauvaise action à l'intérieur de l'ordre, des pratiques assez peu chrétiennes. On va notamment accuser les Templiers de sodomie, de cracher sur la croix, de s'être vendus aux musulmans, de toutes sortes de choses. Et on les arrête donc simultanément dans le royaume de France le 13 octobre 1307. C'est très important de dire que ce sont les officiers royaux qui vont se charger de cette arrestation, on les jette en prison, on commence déjà à les torturer, les tortures seront violentes, et rapidement, les chefs de l'ordre vont avouer à peu près n'importe quoi. Ouais. Sauf que le procès est un procès politique, et il va prendre très rapidement une tournure politique. En effet, la papauté va immédiatement déclarer que c'est à elle de s'occuper de ces Templiers, qui sont un ordre rattaché à l'Église. Le roi essaye de montrer que le pape n'est pas capable de gérer ceux qui lui sont soumis. Le pape va essayer de reprendre la main. Les Templiers, remis entre les mains d'agents pontificaux, vont revenir sur leur déclaration, mais pas tous. Et finalement, on va les faire au cours d'interrogatoires, contre-interrogatoires, tortures, retortures, transferts de l'un à l'autre, on va finir par se mettre d'accord et condamner les Templiers pour avoir menti. Ouais. Ou bien ils ont menti au roi lorsqu'ils ont dit qu'ils étaient coupables, ou bien ils ont menti au pape lorsqu'ils ont dit qu'ils ne l'étaient pas. Certains vont être condamnés dès 1310 au bûcher, d'autres seront condamnés à la prison, et les derniers, le grand maître de l'ordre Jacques Molay par exemple, et ses principaux collaborateurs, seront brûlés en 1314. Ouais. Le 13 mars, dans le cas de Jacques Molay, donc le 13 mars 1314 précisément, c'est la date où il sera exécuté, et ça donnera naissance à une fameuse légende dont on parle dans un instant, Raphaël Wallande. Honte! Honte! Vous voyez des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant un an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit ! Maudit ! Soyez maudit ! Extrait de la série Les Rois maudits, la plus récente, celle réalisée par José Dayan et diffusée à la télé française en 2005. C'est le célèbre extrait de la soi-disant malédiction lancée par Jacques de Molay au roi Philippe le Bel qu'on vient d'entendre. Parlez-nous, il y en aura d'autres légendes, mais commençons par parler de celle-là, Raphaël Welland, puis ensuite des autres. Alors, cette légende, en fait, va prendre forme fondamentalement au XXe siècle avec le livre de Maurice Druon, les Rois maudits. On en trouve quelques traces à partir du XVIe siècle, mais au XIVe siècle lui-même, personne ne parle vraiment de cette légende-là. Ouais. Et pourtant, il y a effectivement certains éléments. Guillaume de Nogaret, qui est l'âme maudite, celui qui va instrumentaliser, en fait, qui va organiser le procès, était déjà mort, donc lui, déjà, il ne peut pas être dans la malédiction du grand maître. Mais le pape et le roi de France vont effectivement mourir dans le mois suivant l'exécution des Templiers. Le roi de France, Philippe le Bel, avait 3 fils. Ces 3 fils mourront sans fils dans une dizaine d'années. Ouais. Et ils laisseront la France en guerre civile. C'est la guerre de 100 ans, en fait, avec l'arrivée des Anglais qui se prétendent roi de France à la place des rois de France. Et surtout, eh bien, 13 générations plus tard, on dit que les rois de France donc, seraient maudits jusqu'à la 13e génération. En fait, la 13e génération, c'est 2 générations. Avant Louis XVI, donc c'est pas tout à fait la fin, ouais, des rois de France, mais Louis XVI va finir dans ce qu'on appelle la prison du Temple, c'est-à-dire l'ancienne commanderie des Templiers à Paris. Ouais. Et donc, c'est d'une certaine manière cette exécution de Louis XVI, la vengeance posthume des Templiers. Ça nourrit la légende. Oui, bien entendu. Mais il, ouais, y a beaucoup d'éléments qu'on recoue ensemble pour faire une sorte de monstre de Frankenstein, mais ça fonctionne pas très bien ensemble, en vérité. Et ça, c'est la principale légende, mais il y en a d'autres autour des Templiers. Oui, il y a notamment l'idée de la survie des Templiers qui serait encore là à diriger Radio-Canada et d'autres grandes institutions. Il y a effectivement des Templiers qui vont survivre à la fin de l'ordre. Certaines portions de l'ordre ne seront jamais poursuivies. C'est notamment le cas au Portugal, où l'ordre survit sous un autre nom jusqu'à aujourd'hui, sans avoir le même type d'activité. Mais le premier ministre du Portugal est toujours le commandeur de l'ordre du Christ, qui est le descendant de l'ordre des Templiers. Donc d'un côté, il y a l'idée de la survie des Templiers, qui se seraient cachés, aller en Amérique, en Écosse ou peu importe où. Et puis d'autre part, il y a l'idée de leur trésor. Rappelez-vous, on a parlé au tout début du Graal. Alors, ouais, pendant longtemps, on a parlé d'un véritable trésor et il y a des gens qui ont prétendu l'avoir trouvé ou qui l'ont cherché toute leur vie. Et puis, quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas de vrai trésor sonnant et trébuchant, on s'est mis à chercher un trésor spirituel. C'est l'idée de Dan Brown et du Da Vinci Code, par exemple. Donc, l'idée qu'ils garderaient le sang du Christ, l'arche d'union ou quoi que ce soit d'autre qu'ils auraient trouvé. Mais tout cela, ça vient en fait du besoin d'expliquer la chute des Templiers. Pourquoi est-ce qu'on se serait débarrassé de, ouais, ces gens? La vérité, c'est qu'on s'en débarrasse parce qu'ils ne servent plus l'objectif pour lequel ils avaient été créés. L'Église n'est plus dans un mouvement de croisade. Ils ne sont désormais plus qu'un contre-pouvoir au roi. Et on comprend, sans légende, que les rois puissent décider de se débarrasser de leur contre-pouvoir. Qui n'est plus utile pour eux. Raphaël Welland, doctorant en histoire à l'Université de Montréal et à l'Université de Kiel en Allemagne. Merci beaucoup, Raphaël. Je vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.